Chapitre 3e, perdu dans l'obscurité. Edward Arundel revint lentement aux Towers, faible de corps, inquiet d'esprit, déjoué, désappointé et très malheureux. Le jeune mari, qui n'avait vécu avec sa femme que pendant une courte lune de miel, revint dans cette sombre et triste maison dans les murs de laquelle Marie avait souffert et s'était désespérée. « Pourquoi est-elle restée ici ?» se dit-il. « Pourquoi ne vint-elle pas vers moi ?» J'aurais cru que sa première impulsion l'aurait entraînée de mon côté. J'aurais cru que ma pauvre enfant bien-aimée aurait parcouru à pied l'espace qui la séparait de son mari, si besoin en eût été. Il se traîna péniblement à travers le bois sans feuilles et la végétation pourrie qui se changeait en fumier au pied des arbres nus. Il se traîna vers la sombre façade orientale de la grande maison en pierre, la figure toujours tournée vers les fenêtres sans rideaux percées dans les murs décrépits. « Oh, s'il pouvait parler » s'écria-t-il dans sa perplexité et son désespoir. « S'il pouvait parler, si ces murs cruels pouvaient parler et me dire ce que ma femme a souffert dans leur enceinte, s'il pouvait me dire pourquoi elle s'est désespérée et est allée se cacher loin de son mari et de son protecteur, s'il pouvait parler. » Il grinça les dents dans un accès de rage. « Je ne gagnerai pas plus à questionner ce mur en pierre là-bas qu'à causer avec ma cousine Olivia Marchmont, » se dit-il ensuite. « Pourquoi cette femme nourrit-elle une haine si venimeuse contre mon innocente mari ? Pourquoi ne puis-je, soit par la menace, soit par les supplications, rien obtenir d'elle ? Rien ! Elle me déjoue aussi complètement par ses réponses mesurées, qui ont l'air de se rapporter à mes questions, et qui cependant ne m'apprennent rien, que si elle était une idole en métal dressée sur un autel par un peuple païen et ignorant et muette en l'absence d'un prêtre imposteur. Elle me déjoue, quel que soit mon acharnement à la questionner. Et Paul Marchmont lui aussi, qu'ai-je appris de lui ? Suis-je donc un imbécile que ces gens-là puissent se moquer de moi et me mentir de la sorte ? Ma tête n'a-t-elle aucun bon sens et mon bras n'a-t-il aucune force ? Que je ne puis faire sortir la vérité de la gorge monteuse de ces misérables. » Le jeune soldat se mordit les lèvres tant il était furieux. Oui, c'était comme un rêve. Cela ne ressemblait qu'à un rêve. Dans ses rêves, il avait souvent éprouvé ce terrible sentiment d'impuissance quand il luttait pour arriver à quelque résultat. Mais jamais, étant éveillé, le jeune soldat n'avait subi de sensations de ce genre. Il s'arrêta, irrésolu, presque égaré, se retourna pour regarder le chalet qui n'était plus qu'un point noir perdu au loin sur le bord de la rivière. Puis il ramena de nouveau les yeux sur la rangée monotone des fenêtres de la façade orientale de Marchmont Towers. « J'ai laissé aujourd'hui cet homme se jouer de moi, » songea-t-il, « mais le jour du règlement des comptes arrivera. Nous n'en avons pas fini l'un avec l'autre. » Il se dirigea vers l'arche basse qui donnait accès dans le quadrangle. La chambre qui avait servi de cabinet à John Marchmont et que sa veuve avait pris l'habitude d'occuper depuis sa mort avait vu sur ce quadrangle. Edward Arundel vit la tête sombre de sa cousine penchée sur un livre ou peut-être sur son pupitre derrière les vitres. « Qu'elle prenne garde à moi, cela fait du mal à ma femme, » se dit-il. « À laquelle de ces deux personnes faut-il que je demande compte de la disparition de ma femme ? À laquelle des deux dois-je m'adresser ? Que le ciel me guide vers celle qui est coupable ? Et qu'ils prennent en pitié la malheureuse créature lorsque le jour du règlement des comptes arrivera, car moi, je serai impitoyable. » Olivia Marchmont, en regardant par la fenêtre, vit la figure de son cousin au moment où il avait cette pensée dans l'esprit. L'expression de cette physionomie était si terrible, si dure, si sublime dans sa beauté vengeresse, que sa figure à elle devint encore plus pâle qu'elle ne l'avait été depuis quelque temps. « Ai-je peur de lui ?» se demanda-t-elle en appuyant son front contre la vitre froide, et dominant le tremblement convulsif qui s'était tout à coup emparé de son corps. « Ai-je peur de lui ? Non. Quel mal peut-il me faire après ce qu'il m'a fait déjà ? S'il pouvait me traîner à l'échafaud et me remettre entre les mains du bourreau, il ne me ferait pas plus souffrir que je n'ai souffert depuis le premier moment où je le vis. Il ne pourrait m'infliger des tortures et des supplices plus cruels que ceux auxquels il m'a habitué. Il ne m'aime pas, il ne m'a jamais aimé, il ne m'aimera jamais. » « Voilà le mal qu'il m'a fait, voilà le mal dont je me venge. » Elle releva la tête qu'elle avait courbée en l'appuyant contre la vitre et regarda le jeune soldat qui s'avançait lentement vers le côté occidental de la maison. Alors, avec un sourire, le même horrible sourire qu'Edward Arundel avait vu rayonner sur sa physionomie la soirée précédente, elle murmura entre ses dents serrées « Faut-il que je me désole parce que cette vengeance s'est offerte à moi ? Faut-il que je me repente et que j'essaie de défaire ce qui est fait ? Faut-il que je me jette entre M. Arundel et les autres ? Faut-il que je me fasse, moi, l'alliée, la protectrice de ce galant soldat, qui ne me parle que très rarement sans m'insulter ou sans m'accabler de reproches ? Non, il lui a plu de me menacer, il lui a plu d'avoir sur moi de vils soupçons. De son indifférence première, il en est venu à l'insolence, qu'il débrouille ses affaires tout seul. » Edward Arundel ne vit pas les yeux qui le regardaient avec rage. Il songeait toujours à sa femme absente. Il éprouvait toujours, avec une intensité presque insupportable, ce sentiment d'impuissance et de prostration qui ressemblait au sentiment de ses rêves. « Que dois-je faire ? » se dit-il. « Irai-je éternellement de ma cousine Olivia à Paul Marchmont, questionnant tantôt l'un, tantôt l'autre, et ne me rapprochant jamais de la vérité ?» Il s'adressa cette question parce que l'extrême angoisse, la vive anxiété qu'il avait endurée, semblait avoir grandi à ses yeux les plus petits événements et multiplié 100 fois les heures. Il lui semblait qu'il avait déjà passé une moitié de sa vie à la recherche de la fille perdue de John Marchmont. « Oh, mon ami !» pensa-t-il en songeant au maître qui lui avait enseigné les mathématiques 18 ans auparavant. Parce que l'aspect de la maison où il se trouvait avait ravivé ses souvenirs. « Mon pauvre ami, si cette pauvre fille n'eût pas été aimée par moi, elle ne fût pas devenue ma femme. La mission dont vous m'avez chargé aurait certainement suffi pour que je la vengeasse sans pitié de ses ennemis. » Il entra dans le vestibule et pénétra ensuite dans le salon occidental inoccupé. Ce triste salon, avec sa splendeur fanée, ses vieux meubles tout d'une pièce, avaient l'air d'avoir appartenu à une époque passée et à des gens qui étaient morts, parce que la jeunesse et l'innocence n'étaient pas là pour l'orner. Tel dut être l'aspect de ces maisons enfouies sous la lave dans les villes d'Italie, lorsque les portes s'ouvrirent et que les premiers regards des vivants se fixèrent sur la demeure des morts. Edward Arundel se promena de long en large dans le salon. Les pièces en ivoire du jeu d'échecs qu'il avait rapportées de l'Inde se trouvaient sous une vitrine auprès de la fenêtre. Combien de fois Mary et lui n'avaient-ils pas joué dans l'embrasure de cette même fenêtre ? Et combien de fois n'avaient-ils pas perdu ses pions et laissé ses fous et ses cavaliers sans défense pendant qu'ils tentaient quelque coup impossible avec sa reine ? Le jeune homme foula et refoula le vieux tapis à bordure qui couvrait le parquet en songeant à ce qu'il devait faire. Il se disait qu'il fallait tracer quelques plans dans son esprit. Il croyait fermement qu'il y avait eu quelque lâcheté de commise. Et c'était à lui de découvrir le motif de cette lâcheté et la personne qu'il avait commise. Paul Marchmont, Paul Marchmont. Son esprit revenait toujours à ce point de départ. Paul Marchmont était l'ennemi naturel de Mary. Paul Marchmont était donc à coup sûr l'homme à soupçonner, l'homme qu'il fallait traquer et vaincre. Et pourtant, à en juger par les apparences, c'était Olivia qui témoignait le plus d'inimitié à la jeune femme absente. C'était Olivia que Mary avait redoutée. C'était Olivia qui avait poussé déjà une fois la fille orpheline de John Marchmont à fuir sa maison et qui pouvait l'avoir bannie de nouveau à l'aide des mêmes moyens tyranniques qu'elle avait employés jadis pour torturer une nature faible et docile. Ou peut-être encore Paul et Olivia haïssaient-ils tous deux la jeune femme et avaient-ils comploté entre eux une infamie contre sa bien-aimée ? Oh, qui me dira la vérité au sujet de ma chère Mary ? S'écria Edward Arundel, qui m'aidera à retrouver celle que j'aime. Sa Mary, sa femme aimée. C'était ainsi que le jeune homme parlait de l'absente. Cette sombre pensée qui lui avait été suggérée par les paroles d'Olivia, par le témoignage du petit soulier ramassé sur le bord de l'eau, n'avait jamais pris racine chez lui et n'avait fait que traverser son esprit. Il ne voulait pas, et plus encore il ne pouvait pas, croire que sa femme fût morte. Dans tous ses rêves confus et désolants de cette sombre nuit de novembre, il n'avait jamais vu un tableau pareil. Aucune image de mort n'était apparue au milieu des visions chimériques qui avaient troublé son sommeil. Aucune figure blanche ne l'avait regardé à travers le voile des eaux vaseuses. Le bruit d'aucun courant n'était venu retentir à ses oreilles avec les voix nombreuses qu'il avait entendues. Non, il craignait toutes sortes de malheurs inconnus. Il entrevoyait vaguement des difficultés innombrables qu'il lui faudrait surmonter sans guide avant de pouvoir serrer sa femme dans ses bras. mais il ne songea jamais qu'elle était morte. Tout à coup, l'idée lui vint que c'était en dehors de Marchmont Towers, loin des murs de ce lugubre château enchanté qui semblait hanté par les génies du mal, qu'il devait chercher la trace qui le mènerait à la retraite de sa femme. « Il y a Esther, cette jeune fille qui aimait Mary, se dit-il, elle pourra peut-être me dire quelque chose, j'irai à elle. » Il descendit dans le vestibule pour s'enquérir de son valet, le fidèle Morrison, qui venait de faire un copieux déjeuner avec les domestiques des Towers, déjeuner qui avait été accompagné en guise de sauce d'une discussion prolongée sur les faits ayant trait à la disparition de Mary Marchmont et à ses rapports avec Edward Arundel, et qui parut, à la voix de son maître, portant sur sa figure souriante les traces de graisse laissées par les rôties chaudes et le jambon de Lincolnshire. « J'ai besoin d'une voiture, Morrison, et d'un garçon, pour la conduire à quelques milles, » dit le jeune soldat, « à moins que vous ne puissiez me conduire vous-même. » « Certainement, Master Edward. J'ai souvent conduit votre père quand nous voyageons ensemble. Je vais voir s'il y a un phaéton ou un char à banc qui puisse vous convenir, un véhicule quelconque ayant des ressorts souples. »« Trouvez n'importe quoi, » murmura le capitaine Arundel, « pourvu que vous ne perdiez pas de temps. Cela me suffit. » Toute allusion et toute inquiétude relative à sa santé ennuyait le jeune homme. Il sentait sa tête tourner de fatigue et d'agitation. Son bras, ce bras droit nerveux, qui lui avait rendu service 2 ans auparavant dans une rencontre avec une tigresse, était aussi faible que le poignet entouré d'un bracelet d'une femme délicate. Mais il se révoltait contre des réflexions sur sa faiblesse. Il s'emportait contre tout ce qui semblait devoir l'empêcher d'arriver au but qui absorbait son esprit. Morrison fit mine de s'éloigner rapidement, mais il ralentit le pas dès qu'il ne fut plus à la portée des yeux de son maître. Il se rendit tout droit aux écuries, où il eut une conversation agréable avec les grooms et les domestiques qui flânaient, et il s'amusa à passer en revue tous les chevaux des écuries de Marchmont avant de choisir un poulain à robe grise qu'il se sentait capable de gouverner, et un mugig antique à carcasse jaune et à roues noires et jaunes qui ressemblait fortement à quelques guêpes monstrueuses. Pendant que le fidèle serviteur à qui Mrs. Arundel avait confié le soin de veiller sur son fils était ainsi occupé, le soldat demeurait dans le vestibule, regardant le triste paysage d'hiver et se désolant d'avoir à traverser tant de mares boueuses avant d'arriver au village où il espérait avoir des nouvelles de celle qu'il cherchait. Il était assis sur un siège en chêne dans la profonde embrasure de la fenêtre, contemplant la perspective nue, où n'apparaissait qu'une vaste étendue de terrain plat et de ciel gris de plomb. Lorsqu'il entendit un bruit de pas derrière lui, et en se retournant, il vit la servante de confiance d'Olivia, Barbara Simons, la femme qui avait veillé au chevet du lit de Mary, la femme qu'il avait comparée à une goule. Elle traversait lentement le vestibule, se dirigeant vers l'appartement d'Olivia, où un coup de sonnette venait de l'appeler. Mrs. Marchmont était devenue depuis peu nerveuse et capricieuse, et ne voulait être servie que par cette femme qui la connaissait depuis l'enfance. Il était habitué à ces bizarreries de caractère. Edward Arundel avait décidé qu'il ferait appel à toute créature vivante qui pouvait savoir quelque chose sur la disparition de sa femme, et il profita de la première occasion de questionner cette femme. « Arrêtez, Mrs. Simons, » dit-il en quittant la fenêtre, « j'ai à vous parler au sujet de ma femme. » La femme tourna vers lui sa figure pâle, et son regard sans expression pouvait indiquer soit une surprise véritable, soit une détermination bien arrêtée de ne pas comprendre ce qu'on lui dirait. « Votre femme, capitaine Arundel, » dit-elle d'un ton froid et mesuré, mais où perçait l'étonnement. « Oui, ma femme, Mary Marchmont, ma femme légitime. Écoutez-moi, Mrs. Simons, si vous ne voulez pas croire la parole d'un soldat, d'un honnête homme, vous vous en rapporterez sans doute au témoignage de vos yeux. » Il tira de sa poche un agenda en maroquin qui était bourré de lettres, de cartes, de billets de banque, et d'une foule de papiers de toutes sortes, et choisit dans le tas le certificat de son mariage qu'il avait placé là, par hasard le matin de la cérémonie, et qui était resté depuis lors dans sa poche sans qu'il y eût songé. « Regardez » s'écria-t-il en mettant le document sous les yeux de la servante et en montrant l'écriture d'une main tremblante. « Vous croyez ceci, je présume ?»« Oh oui, monsieur, » répondit Barbara Simons, après avoir lu le certificat avec attention. « Je n'ai pas de raison pour ne pas y croire. » Je n'ai aucun désir de ne pas y croire. Je m'imagine que non, en effet, murmura Edward Arundel, à moins que vous ne soyez ligué vous aussi avec Paul Marchmont. La femme ne tressaille pas à cette accusation. Elle répondit au jeune homme avec ce ton lent et sans émotion qu'aucun changement de circonstances ne semblait pouvoir altérer. « Je ne suis ligué avec personne, monsieur, » dit-elle froidement. « Je ne sers personne excepté ma maîtresse, Miss Olivia. Mrs. Marchmont, veux-je dire. » La sonnette retentit de nouveau pendant qu'elle parlait. « Il faut que j'aille vers ma maîtresse, » dit-elle. « Vous entendez, elle sonne pour moi. « Allez, et faites que je voie à votre retour. Je vous dis que j'ai à vous parler, il le faut. Chacun ne cherche qu'à m'éviter. Il me paraît qu'aucun de vous n'ose répondre directement à mes questions, mais je saurai tout ce qu'on peut savoir au sujet de ma femme. Entendez-vous, Mrs. Simons, je le saurai. » « Je vais revenir auprès de vous immédiatement, monsieur, » répondit tranquillement Barbara Simons. Le calme des manières de cette femme irrita Edward Arundel outre mesure. En face de la froideur glacée de sa cousine Olivia, il s'était replié sur lui-même comme en présence d'une montagne de glace. Mais, de temps en temps, quelque étincelle avait jailli de cette masse froide et la montagne de glace s'était pour un moment transformée en une femme passionnée et colère qui pouvait, dans sa vive émotion, trahir les noirs secrets de son âme. Mais les manières de la servante offraient une barrière infranchissable que le jeune soldat ne pouvait pas plus traverser qu'on ne traverse du regard un bloc de pierre. Olivia ressemblait à quelque château noir et massif dont les fenêtres barrées défiaient l'assiégeant, mais laissaient percer les rayons de la lumière qui brillaient à l'intérieur et permettaient de deviner les mystères cachés dans la citadelle. Barbara Simons ressemblait à un mur blanc qui se dresse impitoyablement devant le voyageur curieux et l'empêche de voir le pays inconnu qui s'étend de l'autre côté. Elle revint presque aussitôt après être restée quelques minutes seulement dans la chambre d'Olivia. Pas assez longtemps, certainement, pour consulter sa maîtresse sur ce qu'elle devait dire ou cacher, et s'approcha du capitaine Arundel. « Si vous avez quelques questions à m'adresser, monsieur, sur Miss Marchmont, sur votre femme, je me ferai un plaisir d'y répondre, » dit-elle. « J'ai 100 questions à vous adresser, » s'écria le jeune homme, « mais répondez d'abord franchement à celle-ci. Où croyez-vous que soit allée ma femme? Que pensez-vous qu'elle soit devenue ?» La servante se tut pendant quelques instants, puis elle répondit gravement. « Je préférais ne pas dire ce que je pense, monsieur. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Parce que ce que j'ai à dire pourrait vous faire de la peine. Y a-t-il quelque chose qui puisse me rendre plus malheureux que les réponses évasives qu'on me fait de tous côtés ?» reprit Edward Arundel. « Si quelqu'un voulait être franc avec moi, en se souvenant que je viens ici comme un homme qui sort de la tombe et ne compte pas sur les autres pour obtenir des renseignements plus précieux pour lui que n'importe quoi sur terre, ce quelqu'un serait pour moi le meilleur ami que j'ai rencontré depuis que j'ai quitté mon lit de souffrance pour venir ici. Vous ne pouvez avoir aucun motif, si vous n'êtes pas vendu à Paul Marchmont, pour être cruel envers ma pauvre femme. Dites-moi donc la vérité, parlez et parlez sans crainte. » « Je n'ai rien à craindre, monsieur, » répondit Barbara Simons, jetant sur la figure inquiète du jeune homme un regard qui semblait dire « Je n'ai fait aucun mal. » Et je n'en recule pas devant ma justification. Je n'ai rien à craindre, monsieur. J'étais pieusement élevé et j'ai toujours tâché de faire mon devoir dans toutes les positions où il a plu à la Providence de me placer. Ma vie n'a pas été très heureuse, monsieur. Car il y a 30 ans, j'ai perdu tout ce qui pouvait me donner du bonheur en perdant ceux que j'aimais et qui avaient le droit de m'aimer. Je me suis attaché à ma maîtresse, mais il ne me convient pas d'espérer qu'elle s'abaissera jusqu'à moi, ni de vouloir me rapprocher d'elle plus que ne le doit une servante. » Il n'y avait aucun accent hypocrite ou affecté dans ces paroles prononcées d'une voix ferme. Il semblait qu'en ces quelques mots la femme racontait toute l'histoire de sa vie, l'histoire courte et sans ornement d'une existence désolée, d'où l'amour et le soleil s'étaient envolés de bonheur, ne laissant derrière eux qu'un vide affreux qui n'était pas destiné à être rempli par l'affection de la jeune maîtresse si longtemps et si patiemment servie. « Je suis fidèle à ma maîtresse, » reprit Barbara Simons, « et je fais mon possible pour remplir mes devoirs. Je ne dois rien à personne d'autre. » « Vous devez quelque chose à l'humanité, » répondit Edward Arundel. « Croyez-vous que le devoir se mesure à la règle et au compas? Le Christ vint pour sauver les brebis égarées d'Israël, mais eut-il moins de pitié pour la Cananéenne qui vint déposer ses douleurs à ses pieds? Vous et votre maîtresse, vous avez inventé à votre usage de rigides préceptes et vous vous y êtes conformés. Vous essayez de limiter l'étendue de votre charité chrétienne et de faire le bien dans un certain rayon. Le voyageur qui tomba parmi les voleurs serait mort de ses blessures s'il lui était étendu en dehors de votre cercle, car vous ne lui auriez pas porté secours. Ne savez-vous donc pas encore que la charité est cosmopolite, illimitée, inépuisable et n'est soumise ni aux lois de l'espace ni à celles du temps? Votre devoir envers votre maîtresse est acheter et payer. C'est un vil marché conclu dès que vous avez touché vos gages. Votre devoir envers toute créature malheureuse qui se trouve sur votre chemin est une dette sacrée dont Dieu vous tiendra compte. » Pendant que le jeune soldat parlait ainsi, se laissant porter par son agitation passionnée qui le rendait éloquent, tant elle était vive, un changement s'opéra sur la figure de Barbara. Il n'y eut pas de trace d'émotion palpable sur cette physionomie massive, mais une lueur passagère, qui ressemblait à de la peur, illumina ses traits sans expression. J'essaie de faire mon devoir envers Miss Marchmont aussi bien qu'envers ma maîtresse, dit-elle. Je l'ai soignée fidèlement pendant qu'elle était malade. J'ai passé 6 nuits de suite au chevet de son lit et je n'ai pas quitté mes vêtements de toute une semaine. Les domestiques peuvent l'attester. Dieu sait que je vous en suis reconnaissant et que je vous récompenserai de la pitié que vous pouvez avoir témoigné à ma pauvre femme, répondit le jeune homme d'un ton radouci. Seulement si vous avez pitié de moi et si vous voulez m'aider, parlez, et parlez franchement. Que pensez-vous que soit devenue Mary ? Je ne saurais vous dire, monsieur. Aussi vrai que Dieu me voit et me juge, je vous déclare que je n'en sais pas plus que vous, mais je crois... Vous croyez quoi ? Que vous ne reverrez plus jamais Miss Marchmont. Edward Arundel tressaillit aussi violemment que si cette phrase eût été la dernière de toutes celles qu'il s'attendait à entendre. Son tempérament sanguin, franc et vigoureux, parce que sa jeunesse n'avait pas été souillée, ne pouvait se faire à l'idée du désespoir. Il lui était possible de devenir fou de colère contre les obstacles qui le séparaient de sa femme, mais il ne pouvait s'imaginer que ces obstacles fussent insurmontables. Il ne voulait pas douter de la puissance de son dévouement et de son courage qui devait lui rendre sa femme perdue. « Ne plus jamais la revoir !» Il répéta ces mots comme s'ils eussent été en langue étrangère et qu'il essayait de comprendre leur signification. « Croyez ? » reprit-il d'une voix rauque, après une longue pause. « Vous croyez qu'elle est morte ?»« Je crois qu'elle est partie d'ici dans une situation d'esprit déplorable. Elle a été vue, non par moi, car j'aurais pensé qu'il était de mon devoir de l'arrêter si je l'avais vue. Elle était tout en larmes au moment où elle s'éloigna dans l'après-midi. Et personne ne l'a revue. Pas moi, du moins. Et vous pensez qu'elle est partie d'ici avec l'intention de se détruire. » Les mots se convertirent en un sifflement inintelligible, et ce ne fut que par le mouvement des lèvres que Barbara Simons comprit ce que le jeune homme avait voulu dire. « Je le pense, monsieur. » « Avez-vous quelque motif particulier pour croire cela ? Pas d'autre que ceux que je vous ai racontés. » Edward Arundel courba la tête et s'éloigna pour cacher la pâleur de sa figure. Il essayait instinctivement de cacher cette souffrance mentale comme il avait parfois caché la torture physique dans un hôpital de l'Inde, parce qu'il cédait à l'impulsion involontaire de l'homme courageux. Mais quoique les paroles de la servante eussent été pour lui comme un coup de foudre, il ne croyait pas à ce qu'elles avaient exprimé. Non, sa jeune ardeur luttait contre cette terrible certitude et la repoussait. D'autres pouvaient penser ce qu'ils voudraient, mais lui était mieux informé qu'eux. Sa femme n'était pas morte. La vie avait été pour lui si douce, si heureuse, si prospère, si riante, qu'il n'était pas étrange de le voir sceptique à propos du malheur, et se refusant à l'étreinte d'une idée aussi horrible que la catastrophe du suicide de Mary. Elle m'a été confiée par son père, se dit-il, elle m'a donné sa foi devant l'autel divin. Elle ne peut avoir péri corps et âme, elle ne peut s'être résolue à mourir volontairement parce que mon bras lui manquait pour la protéger. Dieu est trop bon pour permettre une pareille calamité. » La piété du jeune soldat était excessivement simple en elle-même et n'admettait pas la discussion. Il croyait fermement qu'une bonne cause devait toujours finir par triompher, avec cette même foi aveugle qu'il avait souvent poussé à murmurer à la hâte une prière avant de se précipiter au milieu du carnage dans l'Inde, et avoir confiance en la justice céleste qu'il ne permettrait jamais à des Afghans païens de vaincre des Anglais chrétiens. Il croyait maintenant que, dans le moment le plus douloureux de la vie de Mary Marchmont, le bras de Dieu l'avait retenu sur le bord du sombre abîme, du péché impardonnable, du suicide. « Je vous remercie de m'avoir parlé franchement, » dit-il à Barbara Simons. « Je crois que vous avez été de bonne foi, mais je ne pense pas que ma chère femme soit à jamais perdue pour moi. je prévois la douleur et l'anxiété, le désappointement et la défaite pour quelque temps, pour longtemps peut-être, mais je sais que je la trouverai à la longue. Ce sera dorénavant le but de ma vie que de la chercher partout. » Les yeux immobiles de Barbara épiaient attentivement la figure du jeune homme pendant qu'il parlait. L'anxiété et même la crainte pouvaient se lire dans ce regard et être palpables pour ceux qui savaient interpréter les faibles indices visibles sur la physionomie impassible de cette femme.